Ouais, cette chanson, c'est pour tous les trolucs qui, à chaque fois qu'on les insulte et qu'on parle de leur mère, ils sont là à clamer haut et fort que la famille, c'est sacré et qu'on les touche pas, alors qu'ils l'ont même pas choisi. Et bah, tu vois, regarde, ta chère et tendre maman, celle qui t'a mis au monde, regarde ce que j'en fais, enfoiré, ça c'est casse dédié à ta maman. Ta mère est tellement grosse qu'on l'appelle sac à foutre. Quelle idée de faire des gosses quand on tapine trottoirs et routes. Elle fait des heures sup dans les bocas afin d'arrondir ses fins de mois. Forcée de la baïonner car elle fait trop de bruit, à croire que l'on est en train d'égorger une truie. Ta maman un peu beaucoup, ta maman par tous les trous, ta maman passionnément, ta maman je le fais clément. Ta maman à la folie, je la veux même plus dans mon lit. Ta maman pas du tout, que de la haine et du dégoût. Ta maman un peu beaucoup, ta maman par tous les trous, ta maman passionnément, ta maman je le fais clément. Ta maman à la folie, je la veux même plus dans mon lit. Ta maman pas du tout, que de la haine et du dégoût. Lâche tes dégoulinantes, elle en s'est mis encore. Les jambes tremblantes, le cœur qui bat son fort. Tu sais même pas qui est ton père, car elle s'est tapée tout le quartier. Mais crois surtout pas que j'exagère, j'irai même l'arrondissement du premier. Ta maman un peu beaucoup, ta maman par tous les trous, ta maman passionnément, ta maman je te prête les dents. Ta maman à la folie, je la veux même plus dans mon lit. Ta maman pas du tout, que de la haine et du dégoût. Ta maman un peu beaucoup, ta maman par tous les trous, ta maman passionnément, ta maman je te prête les dents. Ta maman à la folie, je la veux même plus dans mon lit. Ta maman pas du tout, que de la haine et du dégoût. Tellement qu'elle est crade, depuis qu'elle est alcoolique, les passants la regardent et en chopent la colique. À force d'être jouée avec son cul, elle en a chopé des maladies inconnues. Je veux la voir chez moi, elle me dégoûte à un tel point que si elle parvient jusque là, je la présente à mon chien. Ta maman un peu beaucoup, ta maman par tous les trous, ta maman passionnément, ta maman je te pète les dents. Ta maman à la folie, je la veux même plus dans mon lit. Ta maman pas du tout, que de la haine et du dégoût. Ta maman un peu beaucoup, ta maman par tous les trous, ta maman passionnément, ta maman je te pète les dents. Ta maman à la folie, je la veux même plus dans mon lit. Ta maman pas du tout, que de la haine et du dégoût. Et là tu vois, toutes les insultes, tu vois, qu'on dit, que les gens ils s'enflamment, tu vois, les trucs qui te vexent le plus quand on te dit ça, tu te mets à chialer comme une femme, hein? Nique ta mère!